Dans la province de Nam Dinh, Vietnam, vivaient deux riches époux qui avaient eu une fille, qui avait eu 6 doigts à la main gauche, à qui ils avaient donné le nom de Xuan. Alors âgée de 13 ans, elle était devenue d'une grande beauté, mais elle mourut de la petite vérole. À sa mort, ses parents furent inconsolables. 20 ans plus tard, le premier jour du 6e mois, ou 15 août, période où les âmes croisent les vivants pendant 3 jours. Ils prirent le petit plateau d'argent qu'ils avaient fait faire à leur fille, qu'ils avaient conservé en souvenir d'elle après sa mort. Elle leur apparut, et reconnut ses parents grâce à ce signe. Ils s'embrassèrent tous en pleurant. La mère tenait sa fille dans ses bras et ne voulait plus la laisser partir. Elle proposa à ses parents de la suivre au Naraka, c'est-à-dire dans les enfers bouddhiques, pour voir ce qui s'y passait. Ils y rencontrèrent son mari, qui les fit se promener dans les diverses chambres, et voir les tourments des coupables. Entrés dans la première, ils y virent inscrit leur nom, car ils devaient être punis parce qu'ils prêtaient à intérêt. Ils avaient fait payer 5 à 6 fois le capital, en retenant le retard de leurs débiteurs. Sans leur donner de nourriture, les forçant même à vendre leurs biens, et mettre en gage leurs enfants pour s'acquitter envers eux. À la vue de leur nom inscrit sur les tablettes, le mari et la femme furent saisis d'effroi, et demandèrent ce qu'ils devaient faire une fois revenus sur la terre, pour se purifier de leurs fautes. On leur dit, « Pour vous purifier, vous devez dépenser tout votre bien dans les fêtes religieuses, et dans les aumônes. Lorsque vous serez dépouillés de tout, vos péchés seront effacés. » Les parents revinrent chez eux et allèrent chercher les bonzes pour faire de grandes cérémonies. Ils distribuèrent aussi de nombreuses aumônes. Quand tous leurs biens furent dépensés, au 6e mois, ils eurent l'espoir de revoir leur fille, et de la suivre encore une fois au Naraka, et voir s'ils étaient justifiés. Ils la rencontrèrent en effet, et avant toute chose, elle leur dit que leur faute était abolie, et ce n'était pas la peine qu'ils redescendent aux enfers.